Ça y est, oui. On va y aller. Ça commence. On a discuté deux minutes. Oh, c'est pas grave. Vous avez bien dit que les derniers, c'est les premiers. Eh bien, oui, exactement.